Monsieur Guillermo Gris. Seigneur Gris. Bonjour les amis. Seigneur. Alors je sais que vous qui vous êtes en... ami ici. J'ai entendu ami moi. Bah, arrête, sois gentil avec ça, lui. Un peu d'amour, s'il vous plaît. Mais justement, il est, bon, il est bête. Hein. Arrête là de l'interrompre. Alors je sais que vous en battez les tissus mous parce que vous n'avez aucun respect pour ce que je suis. À commencer par Leïla qui généralement s'intéresse moins à ce que j'ai sur le cœur qu'à la marque de la mousse de son micro. Sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je pourrais mourir en plein milieu d'une chronique si personne s'en rendait compte. Quoi. Non, c'est vrai, il faudrait que j'attende l'émission de Charline et Alex pour qu'on me débarrasse de mon siège et qu'on me renvoie mon corps à son pays. Monsieur Guiz. Oui, mais c'est vrai, après on s'étonne que je noie mon chagrin dans la liqueur de féculent. Et vous allez voir que c'est une bombe de transition puisque je comptais justement vous parler d'alcool et de l'opération tournée minérale. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça consiste en Belgique, aux nobles patries, aux mères chéries, à passer tout le mois de février sans consommer d'alcool. Et voilà une très belle initiative que je vais d'ailleurs rejoindre les 29, 30 et 31 du mois en question, en solidarité. Je suis pas encore prêt à arrêter l'alcool, j'ai trop de trucs à oublier. Et puis, j'aime trop faire la fête. Et vous allez me dire, oui, on peut faire la fête sans alcool. C'est vrai, mais alors ça s'appelle une réunion. Et tu t'amuses avec des PowerPoint, des objectifs chiffrés et des gens qui utilisent l'expression en termes de retombées. J'ai pensé à ce que serait ma vie un mois sans alcool. Je préfère encore être assis un mois sur les genoux de Daniel Morin. La joue collée contre les touffes humides de son torse dégueulasse. Oh. À l'écouter chanter des airs traditionnels fascistes, sans vouloir tout révéler des coulisses de l'émission. Mais ça me foutrait le cafard d'arrêter la picole. Et là, Nagui, en berger du service public, va me sauter à la glotte pour me dire pas d'apologie de l'alcool, malheureux, pas d'apologie. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, non. Et puis, il va me dire ok, ben continue, mais dis quand même aux gens que c'est dangereux. Alors évidemment, l'alcool tue en masse, même juste quand tu meurs à cause de l'alcool. Au moins, t'es pas genre déçu. Tu vois, c'est pas comme avec la cigarette, quoi. C'est vrai, tu te dis, bon, bah, je me serais évadé un peu dans cette société terne et anxiogène où on t'offre en destin que la perpétuation de la machine économique. Et là, Nagui va me faire, ah putain, mais en fait, t'as un message sociétal hyper fort à nous faire passer. Waouh, absolument. Un peu d'alcool, un peu de fond. Je suis un peu le Frédéric Becbédé du Lidl. Admettez qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de rêver de par chez nous. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de projets. C'est ce que j'arrête pas de dire à ma meuf, là, quand elle me juge, là, en épongeant le vomi qu'a sur mon gilet. Je lui dis, non, il y a trop de pression. Mais ça la convainc pas. Ça la convainc pas, alors je suis obligé de jouer la carte de la sincérité. Je lui fais, oui, je picole trop. C'est vrai, mais tu préférais quoi? Que je parte faire le djihad en Syrie, c'est ça? Hein? Et que je te vende comme esclave, qu'on vienne une arme de poing et l'équivalent de ton poing en captagon? C'est ça que tu veux? Finir sur un marché bio à Raqqa? Hein? C'est ça que tu veux? Hein? C'est ça, dis-le! Alors là, évidemment, à court d'arguments, elle me fait oui, mais bon, t'as vu l'argent que ça te coûte? Ok, c'est pas faux, avec les sommes que j'ai dépensées en vodka ces 15 dernières années, j'aurais pu m'acheter, je sais pas, au moins 150 écrans plats. Autant dire pas de regrets! Avec un, j'ai largement assez pour mater la rediffusion des Cordiers. Franchement, j'en ai dit. Ah mais non, c'est l'expression d'un mal-être. Elle me dit, là encore, faux, archi faux. On se demande vraiment ce que je fous avec quelqu'un qui dit autant de conneries, quoi. Vraiment, juste à mon âge, j'en ai marre d'être collé à mes propres basques en permanence, d'avoir tous les jours le même aspect, les mêmes réactions, les mêmes perspectives. Au moins, quand je suis déchiré, je suis un homme différent. C'est vrai, quand je me réveille, je me dis, tiens, ce que j'ai fait cette nuit, c'est drôle. C'est surprenant. Quoi. C'est que de la merde en général, mais c'est surprenant. Comme Leïla te comprend. Tellement. Oui. Ça m'a surpris de moi-même quoi. Et en plus, ma meuf, elle oublie le déterminisme géographique, c'est-à-dire que d'après l'OCDE, les Belges sont les plus gros buveurs d'Europe quoi. On est à 12 litres 6 d'alcool par an et par personne. 12 litres 6. Et encore, c'est une moyenne. On est à 16 litres chez les moins de 11 ans qui ont bien besoin de ça pour décompresser, évidemment, avec tout ce qui leur arrive chez nous. Les pauvres. Et la France, me direz-vous, avec l'ethnocentrisme impatient des peuples qui manquent de confiance en eux. Eh bien, vous êtes à 11 litres et demi, conso de Gérard Depardieu comprise. Donc, on vous gère, quoi, vraiment, on vous gère. Mais comme d'habitude, vous en avez rien à foutre de ce que je raconte. Donc, voilà, vivement la prochaine réunion que je puisse un peu décompresser tout ça. Allez, avec modération. Merci, Pierre-Olivier. France Inter, midi, la bande originale.